Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse. Ou en streaming, où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 6 décembre 2018, il est 18h00, derrière la vitre. François est à la réalisation technique de l'émission, salut François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique. Gonzaï est un site internet créé en 2007 qui aborde la culture et la musique sous l'angle du parti pris et de la subjectivité, à la limite de la mauvaise foi, traitant de contre-culture, de rock sous toutes ses formes, de mouvements culturels et de personnalités cultes, de la pop culture, avec 100 000 visiteurs uniques par mois sur gonzaï.com. En 2013, Gonzaï devient un magazine papier, disponible en kiosque. Gonzaï, c'est aussi un label de musique, un Gonzaï Show, à la Gaîté Lyrique à Paris tous les mois, à partir de décembre 2012. Et c'est aussi une émission de radio mensuelle, en partenariat sur Radio Campus Paris. Le nom de la revue Gonzaï est tiré de Gonzo, qui est un genre journalistique ultra subjectif, employé pour la première fois en 70. La terminaison de Gonzaï navigue entre Banzaï pour le côté rentre dedans ou Bonsaï pour la devise du site. Seul le détail compte pour, je cite, un e-magazine culturel qui pratique l'art de connaître beaucoup de choses, beaucoup sur peu de choses, car dans un monde globalisant et réducteur. Enfin, Gonzaï, ce sont des soirées mensuelles à la maroquinerie à Paris, mais aussi en province, avec la crème des artistes soutenue quotidiennement par Gonzaï. Ces soirées, ce sont les Gonzaï Night, et elles débarquent à Toulouse, au Connexion Live, le jeudi 13 décembre à partir de 19h30, avec les groupes Tahiti 80 ou Tahiti 80, c'est selon, et Edmund. Et pour en parler ce soir avec moi, je reçois Jean-Baptiste Calmet, qui sera vraisemblablement tout seul, car Jean-Christophe a l'air dans les embouteillages, et Sébastien également. Jean-Baptiste Calmet, du collectif L'Ambassade, co-organisateur de cette Gonzaï Night toulousaine, avec l'association Topophone. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Rien à voir quoique. Alors, petit point d'abord sur L'Ambassade. Votre collectif, qui est à la fois programmateur de concerts, producteur de groupes, réalisateur d'objets filmiques ou visuels. Et je cite, j'ai déjà cité ça pour L'Ambassade, vous avez envie d'infinir vos songes, de rendre vos rêves réalité en créant votre entreprise de l'absurde. Qu'est-ce que c'est une entreprise de l'absurde ? Déjà, c'est tiré d'un vieux manifeste qu'on avait écrit sur un coup de tête. Du coup, je sais pas si ces phrases sont toujours d'actualité. Mais oui, le besoin de rêver, d'aller à fond dans ses passions et les rendre réalisables. C'est un peu ça. Et on a aussi une émission radio sur Campus Toulouse. Voilà. Dis donc, FM. Tous les premiers mardis. C'est un mardi sur deux. Ouais. Non, c'est mensuel. Seul, ouais. Ah, ça devait pas être bimensuel, Jean-Baptiste. Alors, on a trop de choses à faire, du coup, on n'en fait qu'une par mois. Et alors, de quoi ça cause la revue pop de L'Ambassade sur Campus ? Essentiellement de pop, c'est-à-dire elle est découpée en trois parties, avec des nouveautés au début, à la fois francophones, anglo-saxons, des groupes de pop émergents. Et après, on fait souvent un sujet, alors ça peut être un musicien, un producteur, un disquaire, ça dépend. Vous avez des invités ? Et ouais, de temps en temps. on avait fait venir Olivier Cussac des mythiques studios Condorcet. On avait aussi interviewé FX des Mauvaises Fréquentations, le disquaire toulousain. Et voilà, plusieurs invités différents. Et en juin dernier, vous avez sorti une compilation, L'Ambassade L'aime Pop. On avait fait un direct au Dada. Donc il y avait 11 titres indie pop, un panorama de la jeune scène pop émergente toulousaine. Quel retour sur cette première compilation ? C'était un peu un pari, un premier essai. On est assez content quoi d'avoir fédéré un peu plusieurs groupes pop qui forment en fait une scène vraiment à Toulouse quoi. Il y a un très gros potentiel de musical quoi dans tous les petits groupes indie quoi. Et d'avoir compilé 12 groupes comme ça nous a permis aussi de les connaître, de jouer avec eux. Et la compilation est sortie uniquement en numérique. C'était la première. On n'avait pas l'argent de faire des pressages ou quoi que ce soit. Et là, on est en train de plancher sur une deuxième compilation qui devrait sortir fin janvier. Avec les mêmes groupes ou d'autres groupes ? Non, avec d'autres groupes. Il y en aura peut-être des groupes qui étaient sur la première, mais il y aura aussi des nouveautés. Et on va pas se cantonner non plus qu'au groupe toulousain, parce que c'était un peu ça le but de la première, mais on va un peu élargir les horizons. Vous êtes combien dans le collectif ? Dans l'ambassade, on est une dizaine, à peu près. Et vous êtes aussi musicien ? Voilà. Voilà. On est à peu près tous musiciens, c'est vrai. Et on vit dans une grande maison où on a fabriqué un studio dans le garage. Un peu de briques et de broc, c'est pas un studio professionnel. Mais on a accumulé tellement de matériel au fil des années qu'on commence à avoir un bon son et on produit quelques artistes. Notamment Maxwell Farrington, cet Australien qui était sur la première compilation de l'ambassade. Et vous avez dit là que vous aviez sorti seulement en numérique la première compilation. Ouais. Ce sera pareil pour la seconde où vous avez trouvé des sous. Vraisemblablement, oui, ça sera toujours en numérique. Après, c'est vrai qu'on planche sur l'idée de faire un label à l'ambassade assez rapidement. C'est pas encore un label. Non, pour l'instant, c'est juste une association événementielle. Il n'y a pas la case label, une production musicale. Et du coup, oui, un label pour sortir à la fois nos productions individuelles et d'autres artistes, et ses compilations, et peut-être prétendre à des subventions pour justement pouvoir faire des pressages et sortir les disques en physique. Quoi. Ce sera du vinyle ? Vinyle, oui, on est tous des grands passionnés de vinyle, mais ça pourrait être aussi des cassettes. Ou pas de CD, non, plus cassette vinyle. Alors sur le site de Gonzaï, on peut trouver un article très bien écrit, très élogieux, signé D.C. Shell, ouais. À propos de votre compilation, justement, qui écrit, je cite, « Chez ces sudistes distingués, donc vous, l'ambassade, la contre-culture prend tout son sens dans une nouvelle compilation et l'alternative est au diapason d'une certaine vision esthétique qui fleure bon le groove et la pop pour le meilleur. » C'est pas mal. Oui, ouais. Distingué, c'est juste parce qu'on a l'habitude de porter des chemises boutonnées jusqu'au col. Et, du coup, ça peut paraître un peu snob pour certaines personnes. Mais oui, que dire de plus ? Il y a beaucoup de choses dans l'article que je vous invite d'aller lire sur le site de Gonzaï. D.C. Shell, ouais, c'est quelqu'un qui porte un masque un peu, c'est un espèce de gourou pour nous, c'est quelqu'un qui fait des productions visuelles pour nos soirées, pour des pochettes d'albums, etc. et qui nous suit depuis longtemps, c'est un peu notre conseiller. Voilà. On peut l'écouter où cette compilation, Jean-Baptiste ? Sur Bandcamp, elle est en écoute gratuite et on peut aussi l'acheter pour le montant que l'on veut. On va écouter un premier morceau de Tahiti. Donc vous dites Haïti ou 80 ? Tahiti, c'est un peu plus classe. Ouais. Ouais, c'est un groupe français, mais. Donc le morceau s'appelle Let Me Be Your Story. Il est en concert donc lors de la Gonzaï Night aux Connexions live le 13 décembre. All that you wanted, all that you need. Campus FM, on vient d'écouter Let Me Be Your Story par le trio Tahiti 80 sur leur album The Sunshine Beat Volume 1 sorti en septembre 2018 à l'occasion de la Gonzai Night au Connexion Live rue Gabriel Péri à Toulouse, jeudi 13 décembre. Sol, la, fa, sol, si, la, sol. Tiens, c'est un son mineur. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoi que. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Calmet, co-organisateur de la soirée, la Gonzai Night. Alors, pour mieux saisir l'idée de Gonzai, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter Bester Langs, a.k.a. Thomas Ducré, qui est fondateur et rédacteur en chef de Gonzai. Il répondait aux questions d'Antoine Gaillanou. C'était en avril dernier sur les ondes de Prune à Nantes, lors d'une Gonzai Night au lieu unique. À Nantes. Ce qui compte le plus, c'est l'esprit, en fait. Peu importe là où on est, comment on fait les choses, c'est l'idée de faire les choses sérieusement, en s'en foutant. Voilà. En gros, c'est un peu ça depuis le départ. Et moi, je suis hyper attaché à ce truc-là, en fait. On est là depuis un petit moment, et l'idée, c'est de garder cet esprit, même si le temps passe. Voilà. Moi, c'est aujourd'hui. Enfin, moi, mon ennemi, c'est la routine, et la lassitude et la répétition. Et on essaie de garder cet esprit un peu gentiment. Je m'en foutiste, même si les gens croient qu'on a des gros branleurs, on bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup, et quand tu bosses beaucoup, tu peux perdre le fun. Donc voilà, donc l'idée c'est de rester cool, quoi. Voilà. En fait, on a toujours été plus intéressé par les gens qui perdent et qui gagnent 30 ans plus tard. Mais c'est aussi au départ, je pense que c'est aussi une posture, c'est aussi une manière de se démarquer. Il y a très longtemps, je parle en 2007 qu'on a créé Gonzai. Je pense que l'envie est venue de effectivement de se démarquer. Et en fait, c'est comme toute habitude, au fur et à mesure, tu prends un pli et tu tombes vraiment dedans, quoi. Voilà. Donc effectivement, les gens qui ont sorti, enfin ce qu'on appelle les Beautiful Losers, les gens qui sortent des albums en 2000, il y a a 30 ou 40 ans, qui vendent 50 copies, qui niquent tout le stock parce que tout le stock était dans la cave et que tout prend l'eau et que du coup, bah, y a plus de disques. Enfin, c'est souvent, alors il se trouve que c'est souvent en plus des disques formidables. Et effectivement, c'est ces gens-là qu'on veut descendre, mais enfin défendre et non pas descendre. Et du coup, il y a un romantisme qui se crée en fait, effectivement. Et c'est autant valable en musique qu'en littérature, qu'en cinéma. Effectivement, on est très très musique. Et oui, c'est ces gens-là qu'on veut défendre. Et effectivement, il y a aussi ce côté redresseur de tort qui, en France, notamment au niveau musical, est palpable. Ce qui change, c'est les gens, c'est pas le système. Le système est toujours le même. C'est-à-dire que quand tu prends l'histoire, on va dire, de la pop ou du rock ou de la culture en général en France depuis les années 60, tu as toujours la même mécanique. On peut donner des exemples à toutes les époques. Un groupe ou quatre mecs ou avec des nanas se forment contre un système en proposant quelque chose d'alternatif. Il y a deux options. Soit ça capote et du coup ça donne un 45 tours qu'on retrouve 40 ans plus tard et qui se vend hyper cher sur eBay. Soit ça marche pour le premier album et donc du coup le groupe se dit, ah putain, on vient de l'indé, c'est cool, mais on va peut-être pouvoir faire un truc un peu plus gros, vendre un peu plus, aller chez une major et pas se trahir. Et en fait, il se trouve que ça se trahit toujours. Et le deuxième album est souvent à chier. Et donc ça vivote, mais des exemples comme ça, il y en a plein. T'as pas une ligne du temps avec un début et une fin. Et genre, déjà, je déteste les anniversaires. Donc les 10 ans de Gonzaï, on les a fêtés pour les 11 ans et les 3 mois. Et tout est comme ça, en fait. Et ça peut s'arrêter dans 6 mois et ce sera OK. Peut-être qu'on aura tout dit, tu vois. Peut-être que ça s'arrêtera dans 20 ans et on sera des vieux cons et on engagera des gamins pour écrire à notre place et on sera dans notre fauteuil leur donner des conseils. Je sais pas. Et moi, j'ai pas de rêve, en fait. Enfin, au sens où c'est des rêves de gamins qu'on peut avoir de sortir tel disque, d'arriver à choper tel mec en interview, de ne serait-ce que de sortir un magazine, parce que là, c'est le 25e qu'on vient de boucler et il a été d'une pénibilité extrême, genre à côté, je pense qu'une crise d'hémorroïdes, c'est juste des vacances, quoi. Et t'as toujours le même sentiment quand tu produis des choses et ça va là du digital, le truc de l'artisan, en fait, tu en chies, c'est dur, et puis à un moment, tu y arrives, en fait. Et ce truc-là, moi, je le retrouve à chaque fois, et vu que ça marche autant pour les soirées que pour le magazine, pour les disques et machin, il y a toujours un challenge, en fait, mais c'est un challenge quotidien. Mais c'est pas un rêve, en fait, ça, c'est juste des valeurs, tu vois. Et je te dis ça parce que justement, on a tout fait pour ne pas être dépendant financièrement. Et donc, du coup, on essaie de pas refaire la même chose. La répétition engendre la mort lente, quoi. Voilà. Et ça, c'est une sorte de challenge, en fait. Jean-Baptiste Calmé, une réaction sur les propos de Thomas Ducré. Donc, je remercie Antoine Gaillanou de Prune à Nantes pour cette interview. Enfin, il a dit beaucoup de choses, Thomas Ducré. Ouais, mais c'est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré plusieurs fois à Paris, et ce qui me plaît dans Gonzaï, c'est qu'ils ont vraiment une vision, et ils se tiennent à leur idée, quoi. Ils font pas trop de compromis. Ça me rappelle un peu JB Wiz du label Born Bad, quoi. C'est des gars qui reviennent de loin, qui ont plein d'expériences de vie, et qui en chient pour faire ce qu'ils font, sans attendre une médaille ou quoi que ce soit à la fin, quoi. Est-ce que vous souffrez aussi, vous, quand vous produisez des choses avec l'ambassade ? On va pas dire qu'on souffre, parce qu'on fait tout ce qu'on aime et on essaie de se dépatouiller et de vivre, entre guillemets, de nos passions. Du coup, c'est que du plaisir, au final. Mais si on... Des fois, on est catégorisé, vu qu'on est des musiciens ou des artistes, un peu comme branleurs, avoir une vie de marge et tout. Mais je pense qu'on fait beaucoup plus d'heures de travail que des gens qui vont au bureau le matin et qui rentrent à 18h, quoi. Enfin... C'est beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes d'accord quand il parle de lassitude et de répétition qui est synonyme de mort? Oui, c'est toujours très ennuyeux, quoi, la routine, la répétition, et puis ça tue aussi l'originalité. Et pour moi, c'est le plus important, être original en musique, en art, quoi, se démarquer du tout va, des choses qui nous entourent, quoi, et jamais refaire la même chose, quoi. En fait, c'est une quête infinie de choses à chercher, à découvrir, à remettre en doute, et c'est en ça que c'est hyper frustrant aussi, le métier de musicien ou d'artiste, quoi, c'est de jamais arriver à une fin, mais toujours refaire table rase et recommencer. Quand on crée un morceau, il est fini, il y a une finalité. Oui, enfin, une finalité, je sais pas, mais le morceau il est fini, terminé. Mais on peut le détester, oui, dans 6 mois et plus vouloir l'écouter, quoi. Et Thomas Ducré parle de romantisme en musique, comme en littérature, en cinéma, ça vous parle? Ouais, on est des grands lecteurs, ouais, pas des romantiques, enfin quoi que si, c'est des descendants, mais plutôt des écrivains maudits du début 20e, fin 19e. tous ces gens qui avaient des goûts très étaient très tranchants, très élitistes, très prononcés pour l'art, le beau, et qui étaient un peu à contre-courant de la bourgeoisie de l'époque, quoi. Cette Gonzai Night, vous l'avez organisée avec l'association Topophone. On va peut-être attendre que Sébastien... il est en route. Il est en route. Ça bouchonne. Ça bouchonne. Viennent nous en parler. Donc, vous disiez que vous connaissiez Thomas Ducret. Comment vous avez collaboré avec Gonzai à Paris pour cette soirée? Ben en fait, depuis longtemps, je faisais du journalisme, quoi. Et c'est vrai que quand Gonzai est arrivé, c'était un peu des gens que je les idolâtrais. J'étais très jeune, j'étais un petit ado, j'allais faire des chroniques de concerts et tout. Vous avez écrit dans Gonzai? Ouais, plusieurs articles, quoi. Et du coup, j'avais eu l'occasion de le rencontrer chez lui à Bruxelles. Et du coup, j'ai écrit plusieurs articles pour le site Gonzai, jamais pour le papier. C'était avant que le papier existe, d'ailleurs. Et depuis un an ou deux ans, on parlait de Toulouse, de faire quelque chose à Toulouse. Il avait déjà essayé, ça avait jamais marché. Et nous, on était une jeune asso naissante à l'ambassade. On n'avait pas non plus trop de moyens. Du coup, on essayait une fois ou deux, c'est tombé à l'eau. Et là, ça se concrétise avec Tahiti Haiti, qui est un super groupe, et surtout avec l'aide de Topophone. Enfin, Seb nous en dira plus, mais c'est vraiment en s'associant avec eux que la soirée va être possible. Alors concrètement, comment on organise une soirée Il faut déjà un groupe et une salle. Donc là, il y a deux groupes. Il y a deux groupes, ouais, une première partie et un groupe principal. Et un DJ à la fin. Ouais, ça c'est un peu exceptionnel parce que le Connexion font des soirées coupées en deux souvent avec concert DJ. Là, on est arrivé à négocier pour avoir les deux. Du coup, ça sera plus cohérent en fait sur toute la soirée. Organiser une soirée, c'est écrire beaucoup de mails, passer beaucoup de temps au téléphone et courir un peu dans tous les sens pour scotcher des affiches dans toute la ville. Et acheter des... La salle du Connexion, c'était une évidence ou... Il n'y a pas énormément de choix à Toulouse. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de choix, quoi. C'était le Rex ou le Connexion. Il se trouvait que le Rex, il y avait un truc de programmé. Du coup, ça a été le Connexion. Puis c'est vrai qu'on les connaît bien et c'est une salle qu'on apprécie. Et c'est toujours un plaisir de faire des trucs là-bas, ouais. Est-ce que... j'ai perdu mon petit fil. C'est la première Gonzai Night, donc à Toulouse. Ouais. Qu'est-ce qui est particulier dans une soirée, enfin qu'est-ce qui est spécifique dans une soirée Gonzai Night par rapport à un site internet ou du papier? Qu'est-ce qui reste d'une écriture journalistique dans une soirée? Déjà, c'est le choix musical. On en a décidé ensemble avec Bester du groupe, et c'est vrai que Tahiti c'est quand même très très sunshine, et Gonzai a tendance à apprécier les groupes à clavier, à synthétiseur, un peu obscur, un peu crotrock, etc. Et mais comme disait Thomas dans l'interview tout à l'heure, Bester, c'est faire aussi jouer des groupes qui ont pas eu la reconnaissance qu'ils devaient avoir en France. Et pour moi, Tahiti 80, c'est vraiment ça, quoi. Ils ont été des superstars au Japon, mais en France, c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu boudés, ou ils ont été suivis par des petites scènes, quoi, des petits cercles de gens, et ils ont jamais eu le succès de Phoenix, par exemple. Et alors que je les trouve tout aussi bons que Phoenix, quoi. Ils ont accepté tout de suite votre invitation? Non. Oui, bon, en fait, quand on programme des concerts, on passe pas par le groupe directement, c'est souvent des tourneurs. Et du coup, il se trouve qu'ils étaient en tournée, il y avait personne pour les faire jouer à Toulouse. Du coup, on a sauté sur l'occasion. Et voilà, quoi, c'est une date sur la route. C'est aussi grâce à ça qu'on peut les faire jouer, parce que les prix sont plus flexibles que si c'était un one shot qu'il fallait qu'ils descendent à Toulouse. Du coup, ils jouent la veille à Bordeaux et le lendemain à Montpellier, quoi. C'est tout à fait sur la route. Alors, ouais. Vous parlez de sous, comment vous financez une soirée comme ça? Là, en l'occurrence, en s'associant avec une autre association, du coup, on fait 50-50, on partage les coûts et c'est un peu moins risqué. Il y a aussi une petite aide de Gonzai qui ont un partenariat Jack Daniel, ils seront sur la soirée et qui donnent un petit quelque chose pour faire la soirée. Et après, c'est jouer, quoi. Tenter sa chance, ça peut marcher comme ça. comme on peut se mettre dans le rouge, mais en tout cas, faut le faire, c'est le plus important. Thomas Ducret parlait de challenge quotidien dans l'interview tout à l'heure. Est-ce que c'est un challenge d'organiser une soirée comme ça? Ouais, ben c'est toujours un challenge, quoi, surtout dans des grandes salles. Enfin, c'est pas le bikini non plus, mais c'est le connexion, le Rex. Il y a une location à payer, il y a des cachets importants pour les groupes. Et du coup, c'est quand même un coût assez élevé, quoi, une soirée comme ça. C'est beaucoup plus risqué que la faire dans un petit bar. Est-ce que vous allez vous faire un petit peu de sous, vous? On sait jamais. On ne sait jamais, mais c'est vrai que l'événementiel, c'est quelque chose, c'est peut-être le truc le moins lucratif qui soit, quoi. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut juste faire jouer des groupes qu'on adore et qui ne pourraient pas jouer à Toulouse si on n'était pas là, quoi. Et du coup, c'est du pur plaisir, quoi, faire jouer des groupes qu'on aime. On va écouter Edmond en attendant Sébastien. Sébastien, si vous nous écoutez, sûrement dans votre voiture. Vite, vite, Seb. Le morceau s'appelle Don't You Remember pour cette soirée, la Gonzai Night Connection Live le 13 décembre. Jean-Baptiste, un mot sur Edmond. Edmond, tout seul, hein? Ouais. Enfin, il a aussi une formule en trio, mais pour la date, il va venir seul. C'est un petit jeune qui a à peu près notre âge, qui habite à Paris. On le connaît via François Club, qui est sur la première compilation L'Ambassade, qui est un musicien parisien aussi, mais qui vient de Toulouse. Du coup, je sais pas, on trouve sa musique vraiment intéressante, quoi. C'est très groovy, très soul, mais avec des sonorités assez modernes, pas mal de synthétiseurs. Et on a hâte de l'accueillir, de faire sa connaissance. Ça a été compliqué de faire cette programmation ou vous étiez assez d'accord avec le Gonzaï et Topophone? Gonzaï ont émis quelques doutes sur Tahiti 80 et on est arrivé à les convaincre que ça serait super. Vous avez déjà participé à des Gonzaï Night à Paris, je suppose. À la maroquinerie, c'est toujours des programmations un peu décalées, des groupes géniaux, quoi. Du coup, c'est vraiment un régal d'y aller à chaque fois. Puis il y a souvent 3 voire 4 groupes. Du coup, c'est des bonnes soirées concerts. On va écouter un autre morceau de Tahiti 80 ou 80 qui s'appelle, Jean-Baptiste, My Groove, il me semble bien. Sur Campus FM, on vient d'écouter un autre morceau de Tahiti 80 et Sébastien de l'association Topophone vient juste, il n'a même pas enlevé son manteau. Il est encore Sébastien, son gilet vous pouvez jaune. Peut-être vous asseoir sur cette chaise-là, vous serez plus à l'aise. Je suis complètement prêt. Parlez bien devant le micro. Merci beaucoup d'avoir bravé la tempête toulousaine en ce moment. Donc, Topophone, donc c'est une association qui réalise des actions d'éducation par la musique à destination des jeunes âgés de 6 à 18 ans. Oui. Et vous organisez Ellipse Festival, qui a eu lieu en octobre, il n'y a pas très longtemps, avec une programmation de musique actuelle, moderne et défricheuse un peu... comme l'ambassade, entre pop, folk, expérimental et des actions pour favoriser l'accès de la musique et sur les territoires toulousains. Vous voulez que je vous détaille un petit peu plus? Je veux bien. Topophone, donc c'est une association qui existe depuis 2012. Donc elle a été créée. Je vais essayer de la faire un petit peu compacte. Elle a été créée par un mélange de personnes qui venaient à la fois du milieu éducatif et du milieu musical. D'où l'idée initiale, c'était d'utiliser la musique comme vecteur éducatif. On avait des gens dans l'association qui venaient de l'éducation par le sport, d'éducation à l'environnement, et on se disait que le vecteur musical pouvait être assez intéressant pour travailler autour de l'insertion, de l'éducation. Donc on a lancé un volet éducatif qui aujourd'hui a grossi, a grandi. Donc on intervient auprès de 1500 jeunes sur des en école, collège, lycée, sur les zones prioritaires toulousaines, et auprès de structures spécialisées. Donc on a travaillé avec la PJJ, des ITEP, sur... PJJ, ITEP. Bon, PJJ, ça va être la protection de la judiciaire de la jeunesse, où on va travailler avec les jeunes sur des projets de création musicale. On va leur apprendre à écrire une chanson, jouer de l'instrument tout simplement, et le faire en groupe pour arriver à... C'est vous qui allez dans les écoles ou ce sont les jeunes qui viennent vers vous ? Non, c'est nous qui allons dans les écoles. On a une équipe de salariés, de musiciens intervenants qui vont dans les écoles, et l'idée c'est d'arriver à travailler avec le jeune sur son expression individuelle tout en étant dans une idée de groupe, en collectif, et arriver à s'écouter, se respecter tout en étant créatif. Donc c'est souvent des paris assez qu'il faut relever d'abord pour eux. Et donc l'idée c'est, on mène un projet, on a une trentaine de projets par an. Le projet c'est une phase en classe, donc où ils créent, on les amène à la fin en studio d'enregistrement où ils vont finaliser l'enregistrement, découvrir comment ça se passe, les différentes étapes du mix, du mastering, tout ça, et on les rassemble à la fin de l'année sur plusieurs événements éducatifs où là ils ont l'occasion de rencontrer des artistes qu'on invite, des artistes professionnels, des techniciens. Ils montent sur scène pour jouer leur création en public, donc ça fait... Ce sont déjà des musiciens à la base ou pas forcément ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense 99% n'ont pas de pratique musicale, et il y en a un bon nombre qui ont même jamais fait de musique, et c'est ça l'idée, c'est arriver à leur faire comprendre qu'ils peuvent créer un projet, faire aboutir un projet sans avoir aucune compétence ou même appétence. Quels instruments ? On va avoir une partie, ça va être des instruments traditionnels, guitare, basse, batterie, la voix beaucoup, et après des instruments éducatifs, ça va être des instruments traditionnels adaptés pour les enfants, des xylophones, des bongos, des choses qui vont leur permettre de jouer à 25 en même temps, ben ça fait du bruit. Donc voilà l'idée. Et la deuxième partie du projet qui découle de la première, c'est qu'on accompagne de plus en plus. En fait, on s'est aperçu une fois les interventions terminées qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient envie de continuer la pratique musicale, mais qui trouvaient pas forcément le lieu pour le pratiquer, ou qui avaient pas forcément les moyens de payer l'école de musique ou de s'acheter l'instrument. Donc depuis un an et demi, deux ans, on développe avec des écoles de musique qui a sur les quartiers, et pas que, un accompagnement un petit peu plus individualisé de ces jeunes, où on va faire la passerelle entre le temps de l'école ou du collège ou de la structure dans laquelle on intervient, et on les inscrit dans la durée vers une école de musique accessible pour eux. Voilà, donc on travaille avec Musical notamment sur ce volet-là, avec la Salamandre sur la Rainerie, la MJC en Palo, et on va accompagner ces jeunes. On construit leur projet musical individualisé à ce moment-là. Et pour pas trop le rallonger, on a donc l'autre volet, c'est la partie événement. Donc on a une saison d'événements culturels et éducatifs aussi à l'année, qui se conclut par le Festival Ellipse, où on a collaboré notamment avec l'ambassade cette année, où là l'idée est très simple, c'est 5 jours de concerts grand public sur une programmation qui est à mi-chemin entre la programmation locale, nationale, voire internationale, sur des groupes plutôt indépendants, à tarif réduit. Et l'idée c'est de prendre les artistes, au moins une partie des artistes qui sont programmés le soir, et de les amener l'après-midi sur une action de médiation culturelle, voilà, pour le jeune public, pour faire rejoindre le projet, que ça soit aussi une expérience pour les artistes de découvrir tout ça. Voilà. Et c'est une association, donc il y a des bénévoles ? Oui. On a une équipe salariée de salariés permanents des 7-8, voilà, en gros. Et on a une quarantaine de bénévoles qui nous accompagnent surtout pour organiser les événements, pour être présents. Voilà. Topophone, ça veut dire topophone ? Non, c'est... je pense qu'il n'y a personne au monde qui sait ce que ça veut dire. C'est, en fait, c'est un appareil qui avait été inventé, je crois, au 18e siècle, quelque chose comme ça. Et qui, c'est un ingénieur allemand, je crois, qui, en fait, il s'est aperçu que les marins, quand ils arrivaient près des récifs de nuit, sur certaines parties, ils n'arrivaient pas à voir le récif. Donc le bateau arrivait, ça se crachait dans les rochers, personne n'était content. Donc il s'est dit, je vais créer un appareil qui va permettre aux marins d'amplifier le son, et de permettre aux marins, 2-3 kilomètres, d'entendre le bruit des vagues et de pouvoir se détourner de la roche. Voilà. Formidable. Et donc vous disiez, vous aviez déjà travaillé avec, collaboré avec l'ambassade sur le festival. Oui. Donc là, vous vous êtes rencontrés sur ce projet, sur cette Gonzai Night. Racontez-nous. On était déjà venu voir Topophone. Je crois que c'était l'été dernier pour parler d'une fameuse Gonzai Night. Parce que ça faisait un moment qu'on voulait la faire et on voulait s'associer avec une autre association toulousaine. Bon, finalement, ça s'était pas fait. C'était un peu au dernier moment, etc. Entre-temps, on a participé à l'Ellipse Festival en octobre sur une soirée. En tant que musicien? En tant que partenaire. Co-organisateur. Co-organisateur. Et bon, c'était chouette, c'est super bien passé. Du coup, on a remis ça pour la Gonzai Night. Jean-Baptiste disait que sur la programmation, Tahiti, ça a été un peu compliqué de convaincre Gonzai. Oui, alors ça, pour le coup, c'était l'historique du lien avec Gonzai, c'était l'ambassade qui a, donc on les a laissé aussi gérer de main de maître. Et pour revenir sur ça, c'est vrai que quand on a commencé à discuter, on s'est retrouvé assez naturellement sur des goûts de type pop avec l'ambassade. Donc ça s'est bien passé sur Ellipse. On s'est dit on va retenter quelque chose sur un format un petit peu différent. Donc voilà. Est-ce que vous les salariés de Topophone, vous êtes musiciens? Il y en a une bonne partie qui sont musiciens. Tous les musiciens intervenants qui vont sur les écoles le sont tous, évidemment. Voilà, quasiment tout le monde a une pratique musicale. Je pense que je suis quasiment le seul qui n'en est pas au quotidien. Voilà. Vous, concrètement, exactement, dans l'association, vous faites quoi, Sébastien, je ne connais même pas votre nom. Sébastien Bénazé. Enchanté. Mais on a fondé, je fais partie des personnes qui ont fondé le projet. Donc là, je coordonne l'équipe. Après, on a Louisa qui est vraiment en charge, qui aurait dû être là ce soir. Qui est au transmusical de Rennes, la chanceuse. qui s'occupe plus spécifiquement de la programmation et de la communication. Après, on a Alice, Tom, David, Simon, qui sont les musiciens de l'équipe intervenante, musiciens intervenants. Et après, on a des intermittents qui gravitent autour du projet, et voilà. Et on va intégrer de nouvelles personnes à partir de 2019, mais bientôt. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux ateliers éducatifs. Ça fonctionne, ça marche. Il se passe des choses avec les jeunes. Oui. Il y a des. Vous travaillez pas avec les lycéens en ce moment là qui... On a fait des projets avec le lycée. On y viendra, mais on y va étape par étape. Oui, il y a deux. Qu'est-ce que j'ai dit, de 6 à 15. Qu'est-ce que j'ai dit comme. Oui, c'est ça. Mais là, ça s'agrandit un peu maintenant. C'est plus de 4 à 15. Ah oui. Maintenant, on a attaqué les tout petits. Les tout petits. C'est pas facile. Et non, mais c'est ça qui est chouette avec la musique et la création musicale, c'est qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas deux résultats qui se ressemblent. Et on a, dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a les personnalités des jeunes, les créations qui correspondent à vraiment ce qu'ils sont. Et donc ça donne des résultats qui peuvent être très chouettes, très différents. Ouais. Jean-Baptiste, vous vouliez dire non. Quelque chose. comment vous êtes accueilli par les enseignants dans les écoles? Mais ça a beaucoup évolué au tout début. Enfin, le projet est pas si vieux. On a 5 ans d'intervention. Au tout début, c'était beaucoup nous qu'à Lyon on présentait le projet. On devait faire nos preuves, expliquer la démarche, tout ça. Et plus le projet a fonctionné, plus les partenariats avec les structures se sont ancrés. Et maintenant, on a un socle solide de structures avec qui on retravaille chaque année. Et on essaie quand même de diversifier, d'avoir quelques écoles qui sont nouvelles pour le proposer aussi, essayer de varier. Voilà. C'est une activité assez différente que de participer, que d'organiser une soirée. Oui et non, quoi, parce que organiser une soirée, c'est beaucoup de il y a tout le travail de programmation, de communication, et après c'est beaucoup de détails dans l'organisation. Et comment vous partagez les petits détails, les mails dont vous parliez, Jean-Baptiste, en début d'émission? On a géré le booking, je crois que c'est. On l'a fait, ouais, à la base. Et après, on s'est réparti un peu les tâches. On s'est vu une journée, il y en a qui vont plus faire le booking, d'autres la communication. On va se répartir les quartiers d'affichage. On trouve un compromis. Ouais, c'est très simple. Voilà. Et oui, et pour revenir à la question. Quel est le lien entre le... Oui, c'est beaucoup de détails sur l'organisation d'un événement Et avec les enfants, c'est exactement la même chose. Au final, on se retrouve à, quand ce sont des groupes de jeunes, notamment sur des événements éducatifs, on peut pas laisser trop de place à l'aléatoire parce que une question de responsabilité, une question de concentration des jeunes. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci beaucoup Sébastien d'être venu nous merci rejoindre. Merci à toi. Anna. Merci. Alors je rappelle, donc la soirée c'est le 13 décembre, jeudi. C'est à partir de 19h30 avec Tahiti Haiti et Edmund. Donc il y a un DJ aussi. JB, Jean-Baptiste. Ouais, on va passer des disques après les concerts de 22h30 à la fermeture. Tranquillou, quoi. les places sont en pré-vente hein, sur les sites habituels que je ne citerai pas. Et puis aussi chez notre disquaire préféré, Mes Mauvaises Fréquentations, 8 rue des Lois à 10€. Sur place, il vous en coûtera 13€, chers auditeurs. Et toutes les infos sur le site, alors il y a gonzaï.com. L'ambassade n'a pas de site. Non, les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux plutôt. Ouais. Et les affiches qui sont un peu partout dans la ville. Et ça va être le moment de retrouver Nina après un jingle. François, peut-être. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Nina, tu es là, ça fait bien longtemps qu'on t'a pas entendu dans Rien à voir quoique, donc avec ta chronique psychosociale, perception, entre parenthèses avec un S. Voilà, c'est ça. Bah oui, vous m'aviez manqué hein, quand même depuis le temps. Bah du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la catégorisation sociale. Et une fois n'est pas coutume, pour illustrer mon propos, je vais à nouveau commencer par vous parler du cerveau. Et oui, le cerveau, ce feignant toujours en train de se plaindre de la quantité exorbitante d'informations qu'il a à traiter. Puisque oui, en effet, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais il faut bien avouer qu'il croule sous le travail. Et comme beaucoup l'auraient fait à sa place, au lieu de tout laisser en plan, il fait tout de même ce qu'il a à faire, mais bon. Il sait bien que pour que le taf soit fait en temps et en heure, il faudra pas trop s'embarrasser du superflu, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait bien que la notion de superflu, elle est tout de même assez subjective. Enfin bon, on va y revenir assez vite, rassurez-vous. En gros, sa stratégie au cerveau, c'est de simplifier sa vision du monde en créant des catégories. Bon, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en conceptualisant ce qui nous entoure. Par exemple, quand on voit un arbre, basiquement, on va se dire c'est un arbre. Hein. On va pas forcément aller jusqu'à dire tiens, c'est un camélia d'automne ou encore un cognacier du Japon. On se compliquerait quand même vachement la vie, je trouve. Bon, bah là, c'est la même chose, sauf qu'on s'en doute. Bah, ce fonctionnement, il est applicable à notre environnement dans sa globalité, en fait. On va donc se mettre dans le plus grand des calmes à catégoriser à peu près tout ce qui nous entoure. Du genre, même les gens, tout simplement. Par exemple, je suis dans la rue et je croise une personne. En fonction des caractéristiques qui me sautent aux yeux, je me dis, ah bah tiens, c'est un homme qui a à peu près la trentaine et qui est sportif. Oui, dans mon exemple, il porte des baskets. Et figurez-vous qu'à notre époque, il y a encore des gens qui pensent que si on porte des baskets, c'est qu'on fait du sport. Et ces gens ne m'ont manifestement jamais rencontré. Mais bon, on s'éloigne du sujet, là. Là où je voulais en venir, c'est que en seulement quelques secondes, bah, on a déjà associé cette personne à trois catégories. Une catégorie de genre, d'âge, et on lui a même attribué un loisir. On vient donc de le catégoriser. Et maintenant, il nous apparaît comme appartenant à ces groupes. Bon, jusque-là, mis à part qu'on se base sur des critères physiques pour juger de l'identité d'une personne, rien d'encore très grave. Mais le problème, c'est que ces groupes peuvent être connotés dans notre esprit, c'est-à-dire associés à des stéréotypes, par exemple. Et c'est loin d'être conscient la plupart du temps. Mais il nous arrive de croire que ces groupes peuvent être définis de manière générale. En effet, certains penseront peut-être que les sportifs sont donc plutôt portés sur le physique que sur l'intellect, et par un raccourci assez bancal, dirons-nous, ils pourront en venir à la conclusion qu'en règle générale, les sportifs ne sont pas des lumières. Ah bah voilà, maintenant c'est grave. On commence par assigner quelqu'un que l'on ne connaît pas à une catégorie, catégorie à laquelle sont rattachés des stéréotypes, et on finit par avoir de sales préjugés, basés sur aucun fait concret, mais tout simplement sur nos croyances de pauvres inconscients. Et là on parle carrément de jugement de valeur qui mène directement à la discrimination, quoi, de la discrimination tout simplement. Alors, dans la sphère sociale, c'est une chose. Nos préjugés nous ont sans doute fait passer à côté de belles rencontres, et c'est bien dommage. Mais imaginez les conséquences que ça peut avoir sur un parcours scolaire ou dans le monde professionnel. Et oui, on sera d'emblée plus ou moins séduit par le profil d'une personne, simplement en fonction de ce qu'on pense du groupe auquel on l'a nous-mêmes rattaché. Ça va quand même loin. Et des fois, ça va encore plus loin, parce que ces préjugés vont carrément influencer la personne qui en est la cible. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Et c'est pas tant que la personne pense réellement coller au stéréotype, en fait, mais elle a conscience que c'est ce qu'on pense d'elle. Et dans la volonté de ne pas le confirmer, elle va finir par se mettre une pression monstre, donc être moins efficace, et finalement donner raison aux préjugés dont elle a fait l'objet. Voilà, voilà. Une fois de plus, je sais que tout ça n'est pas très réjouissant. Et vous n'êtes pas des monstres. Enfin, ou plutôt, nous sommes tous des monstres. C'est vous qui voyez. Mais nous sommes faits ainsi. Nous sommes ainsi faits. Et puis, puisque le fatalisme ne nous a jamais bien menés loin... Oulala, et je m'embrouille. Nous sommes donc ainsi faits. Et puisque le fatalisme ne nous a jamais menés bien loin, pour l'instant, ce que j'ai de mieux à vous proposer, bah, c'est de prendre conscience de vos propres limites. Et puis d'essayer de les surpasser. Mais Nina, c'est pas le cerveau qui catégorise. Ce n'est pas que le cerveau. L'éducation, le... Oui, non, mais ça c'est clair que... Parce que si c'est... Si c'était que le cerveau, oui. Bah, après, l'éducation de chacun... Tu t'attendais pas à cette question. Hein. Non, je m'attendais pas vraiment, mais ça va, je ne suis pas déstabilisée. C'est clair qu'on va dire que la manière dont on catégorise va varier en fonction de notre éducation, en fonction des choses auxquelles on a nous-mêmes été confrontés dans notre expérience personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que la catégorisation, c'est une tendance universelle. Peut-être qu'il y a des gens qui vont plus ou moins catégoriser. Et une fois de plus, moi, ce que je pense, c'est qu'au plus on en a conscience, au plus on est à même de se rendre compte qu'on est en train de le faire et du coup, bah, de se stopper un petit peu dans cette démarche. Quoi. Mmh. Moi-même, j'ai des baskets et je suis pas très sportive. Il est maintenant l'heure de se quitter, François. Ne sois pas triste. Un grand merci encore à nos invités, Jean-Baptiste Calmet et Sébastien Benazé. Je fais un petit coucou à Jean-Christophe Dubois, coincé aussi dans les embouteillages. Et puis Louisa Bénâtre, qui est au Transmusical de Rennes. Merci Nina pour ta chronique Perception. Et merci François, un grand merci François à la réalisation technique de l'émission. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission et toutes nos émissions sur la plateforme de partage et d'écoute Mixcloud. Jean-Baptiste, on peut écouter la revue pop de l'ambassade aussi, en podcast. Oui, tout à fait. Vous avez fait une émission spéciale d'ailleurs sur la Gonzai Night. Ouais, mardi dernier, où on revient un peu sur la discographie de Tahiti 80, parce qu'ils ont sorti quand même 7 ou 8 albums. En complément de cette émission de Rien à voir quoi que. Je vous laisse très bientôt en compagnie de Malcolm Mike pour une nouvelle émission de New Soul Food. C'est du new, c'est de la soul, c'est de la food. Très belle soirée sur les ondes de campus.